Dossier 5. Leçon 1. Activité 8. Bonjour, ici Lucie Danton. Comme chaque mercredi, pour la rubrique cinéma de Radio Star. Je me trouve devant un grand cinéma pour recueillir les réactions des spectateurs. Madame, bonsoir. Vous venez de voir quel film ? J'ai vu Léonard le renard avec mon petit-fils. C'est un film magnifique. C'est l'histoire d'un enfant qui se lie d'amitié avec un renard et c'est très émouvant. Je conseille à tous les parents d'emmener leurs enfants voir ce film. Merci, madame. Et vous, madame et monsieur, vous avez vu quel film ? Nous, on a vu Pluie sur la ville. Et vos impressions sur le film ? C'est pas mal, dans le genre drame policier, mais sans plus. Il y a beaucoup de longueur et l'histoire n'est pas très crédible. Mais c'est très bien interprété. Guillaume Théron, entre autres, est excellent dans son rôle. Merci, monsieur. Et je me dirige vers une jeune femme qui sort d'une autre salle. Mademoiselle, c'est pour Radio Star. Vous sortez de la projection de quel film ? Double vie. Et ça vous a plu ? Non, pas vraiment. Je suis même très déçue. J'étais venue surtout pour voir Jean Dupré, qui était super dans Le Grand Saut. Mais alors là ? En fait, c'est une série de petits sketchs sur l'infidélité masculine. Mais c'est même pas drôle. Et vous, monsieur ? Vous avez vu le même film ? Non, moi pas du tout. J'ai vu La Dame de l'Orient Express et il y avait longtemps que je n'avais pas vu un aussi bon film. C'est une grande réussite. Juliette Alioche est sublime dans le rôle d'une grande bourgeoise des années 30. Allez voir ce film, c'est un petit bijou.